Benito Colombo. Pepe Suelas. Azubilaje. Boni va gobe ngo mwinda. Toki va mbula na vambula boni ngorezo kama mobe na mwili. Patrick Bologna. Atakatoto ti mananda kwa tana tuwa ya preavi. Kaka ya mbule matalite sebo ndego ya kato sroe. Parfois, il y a un moto nanou à libérer. On a du bon nouet, il y a un coup de moto et à calme. Il y a un mantango, un poisson qui est qui m'a mère. A ce qu'elle vit son babou quand ma basse fait d'amour. Iwana Kenaï. Il y a un peu de nanana dans pas longtemps, ma cotille qui l'a éclat. Juste le temps à trouver sur le jeu spécialisé à Motema. Atala isterese organo ebenda kama epana yo Alibire yo nga mpena mbibire Apretu motema ya mwana motoba porta kate murinyo Adolfo mute batila mwina Ya moke moliri na moiba plodirba mbure Ope mama natane deloko na negena lina nana kolela Mpule konoka nizo tepo kotima Frank Bosta Tani pakata ya muma bonika kabrina ye mzala nana lilo Mosika na kotara ya kosti sae leni na bamaki Na sala nene ni linga iko vishes na nga feble Benda bazwe linga yeko loke tologe Ati ya formata loke toa Michel Kanyembo Azana batu ble doktora ya fakirte bebe damu Azana na belizo sunzo kamo tema tologe Pakutole na kakabu ya tati Gigi Palmi la Palmeraie. Gigi Gia. C'est un laza la canagou moko magnifique. Ata la canagou moko angélique. On dirait les seuls anges au Yumzambé à Bengana na paradis. Comment comment la haine la compète à tempête en Zambé pongi. Yamunzama comme un cœur et t'as la gorille va problème à battre à Mokili. Affecté à Mokili Katia Tika Kana Pato Mokili Amou. Mado Kitoko. Mère Jena Saori. Lorsqu'on est seul, on va vite, mais quand on est deux, on va plus loin. I love you. Bato koti kangai tena atonte langai Malile lange bo majan pole Donnie na mbaya Na venga boli mwa fote na linia kota li vitae Ame mwabre manzoto na hiye na amurie Bato koti kangate Michel Kanyembo Pardon, pardon, Michel Kanyembo Papa del Timo Le grand mon paro Victoria Tundo, Papi Kisuka, Trésor Wano, Wagigi Boutique, Maître Clarisse Kanyembo, Rudy Maki, Gaël Owono et Sonore, Bouba Ousse Bourgeois à Libreville, Patrick Kanyembo. Pardon, Kotika Naitena Frontelangai. Pardon, Kotika Naitena Frontelangai. Michel Kanyembo Zamo Baninangayavi. Michel Kanyembo Zamo Baninangayavi. Pardon. Je suis un peu plus de temps.